dans mi pièce moment. Pas de fatigue en bas moi. Si li moi te ka songe, moi ça sa qui ka passé. Tout comme moi ga pri en même rêve.